Elsa, l'électricienne, demanda alors. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est au milieu de la Terre? Le bas, c'est où? De l'avis de tous, c'était une bonne question. Eh bien, au centre de la Terre, en théorie, il n'y a plus ni haut ni bas, répondit Lapin. On appelle cela l'apesanteur. C'est comme dans l'espace, vous flottez dans l'air.